Celui qui s'est fondé ne craint point la destruction. Celui qui s'est conservé ne craint point de perdre. Ses fils et ses petits-fils lui offriront des sacrifices sans interruption. Si l'homme cultive le Tao au-dedans de lui-même, sa vertu deviendra sincère. S'il le cultive dans sa famille, sa vertu deviendra surabondante. S'il le cultive dans le village, sa vertu deviendra étendue. S'il le cultive dans le royaume, sa vertu deviendra florissante. S'il le cultive dans l'empire, sa vertu deviendra universelle. C'est pourquoi, d'après moi-même, je juge des autres hommes. D'après une famille, je juge des autres familles. D'après un village, je juge des autres villages. D'après un royaume, je juge des autres royaumes. D'après l'empire, je juge de l'empire. Comment sais-je qu'il en est ainsi de l'empire? C'est uniquement par là.